Dom Vincenzo. Oh, oh. Dom Vincenzo. El Dom Vincenzo. Consommation. Consommation. Consommation, consommation, con assommé de pubs sans cesse en train de consommer. Je veux que t'arrêtes et y'aura qu'une sommation. Fais la somme de l'addition et vois que tu n'es qu'un pion. Citron pressé, machine à pognon, voilà ce que t'es. À leurs yeux, tu vaux rien en tant qu'humain. Ta personnalité est une donnée inutile pour servir leur but. Regarde-toi, tu n'es plus qu'une pute qui travaille pour payer ses chiens. Alors amuse-toi bien, crétin. Tu joues leur jeu, t'es qu'un larpin. Une salope, une catin. Traîner dans la boue si besoin, au combat si besoin, à la mort si besoin. Tu n'es qu'un chien, fidèle au maître. Pour moi un traître, c'est pour ça que je te traite. J'en ai besoin, me défouler, ça me fait du bien. Espèce de putain, j'insulte car j'aime te faire de la peine. Faut que tu te bouges, que tu comprennes qu'ils font de toi une merde infâme. Pourquoi les voitures crament, c'est pas un drame, mais pas la solution. Une bonne révolution ne serait qu'un moyen de pression. Mais quelle action pour les détruire vraiment? Je vois pas, à part réduire sa consommation strict minimum. Donne moins de dépenses, plus de liberté face au roi argent. Moins d'oseille pour ces bâtards au pouvoir. Développer une autre manière de voir, de penser. Agir en collectivité pour l'égalité. Ressusciter la fraternité. Car on est tous englués dans la connerie persistante. Alors tente d'agir, de réfléchir. Tente tous si tu kiffes de te faire enculer par ces fils de pute. Alors change rien et donne ton cul encore et encore. Et mets les billets dans ta bouche pour fermer ta gueule. C'est ce qu'ils veulent nous asservir et nous le faire croire. C'est leur pouvoir, arrêtons de les croire, de les respecter juste pour voir. L'avenir c'est nous, alors gardons espoir. Nous asservir et nous le faire croire, c'est leur pouvoir. Arrêtons de les croire, de les respecter juste pour voir. L'avenir c'est nous, alors gardons espoir. Dressons des remparts, levons une armée. Génération abusée, violée, pillée. Je mérite pas, j'ai rien fait, rien décidé. Ils ont choisi de nous torturer. Jamais je vais accepter, au monde entier je vais le révéler. Nous asservir et nous le faire croire, c'est leur pouvoir. Arrêtons de les croire, de les respecter, juste pour voir. L'avenir c'est nous, alors gardons espoir. Les guerres, qui les finance, à qui ça rapporte le fric? Il faut que t'y penses, la crise en France. Y'a plus de caillasse, à qui ça profite? Si l'État privatise en masse, si les financiers contrôlent les services publics, on en subira les sévices. Sévices, l'État s'en rend complice. Je pisse sur la démocratie, qui n'est plus qu'un vieux chandail. Sur le dos d'un clochard, le président n'est qu'un pantin médiatique inutile. Faut qu'on s'engouffre dans les failles, qu'on soit futile, habile. Quand l'apparence en paraît docile, débile. Manigancer un plan pour des années entières, ce n'est plus un rêve, à toi d'agir. Y'aura pas de trêve, pas de négociation, on part en guerre. Pour vous faire imploser, pousse-moi, pousse, tu veux un avant-goût. Noyé, j'arrive à peine à payer le loyer. Bouffer des fruits, de la viande, du poisson est devenu un luxe inaccessible pour la majorité. Tout ce qui est bon pour nous en vérité, je suis tenté de croire que c'est fait exprès. Nous maintenir en mauvaise santé pour nous gaver de junk food, de médoc qui rapporte à qui. Nous maintenir fatigués, stressés, nous engrainer les uns contre les autres. Tout est fait pour qu'on perde la cible. Maintenant je la tiens, je la crible de mes mots. Je la montre à tous que les fous se déchaînent, que le monde entier à la paresse, qu'on y lâche notre haine. Qu'on vous démontre à quel point vous êtes une gêne. Nous asservir et nous le faire croire, c'est leur pouvoir. Arrêtons de les croire, de les respecter juste pour voir. L'avenir c'est nous, alors gardons espoir. Nous asservir et nous le faire croire, c'est leur pouvoir.